إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 78 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. C'est le commentaire, c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Et on est donc arrivé à la page 573. Au dernier cours, on expliquait le hadith de Usama bin Zayd à propos de Al-Makhzoumiyyah, celle qui avait volé, et que les gens de la tribu de Banu Makhzoum, ils ont demandé à Usama ibn Zayd d'intercéder en sa faveur auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on n'applique pas la peine sur elle, parce que en fait Banu Makhzoum fait partie de Quraysh, et donc c'est une famille noble, c'est une des branches de Quraysh, donc c'est une famille noble, et donc il voulait être épargné de l'application de cette peine sur la femme en question, parce que yani, c'est une femme qui fait partie de cette famille, donc il s'imaginait qu'en intercédant auprès du messager d'Allah, eh bien qu'elle aurait été dispensée donc de cette punition. Qu'est-ce qui est arrivé donc? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et il a expliqué que même si c'était sa propre fille qui avait volé, eh bien il lui aurait quand même coupé la main. Donc il ne va pas faire de distinction entre les gens par rapport à leur statut social ou leur classe sociale ou des choses de ce genre. Et il a dit que ça c'est l'exemple de qu'est-ce qui a fait périr les peuples avant nous, c'est que quand ils attrapaient quelqu'un qui faisait un crime, si c'était quelqu'un qui faisait partie des gens riches ou des gens nobles, ils appliquaient pas la peine, et quand c'était un pauvre, eh bien ils appliquaient la peine. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que eh bien ça c'est une des choses qui a fait que les gens sont tombés dans la perdition et ils ont péri à cause de ça. Et donc de ne pas agir de cette manière, parce que c'est une manière qui est contraire à l'islam. Et ensuite il a également, le Cheikh Al-Fawzan, donné des exemples au sujet de la peine de la fornication et la peine de la lapidation pour ceux qui commettent l'adultère. Et il a expliqué comment parmi les juifs ils ont essayé de déformer le jugement à ce sujet-là, et on a donné même comment ils ont essayé de tromper le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que finalement le jugement dans leur livre c'était pas la lapidation. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prouvé leur mensonge et comment ils avaient déformé la réalité pour cacher le vrai jugement et pour épargner justement la punition de la lapidation pour les nobles parmi eux. Donc on a expliqué que dans l'islam la punition pour la fornication, on a expliqué le verdict à ce sujet-là, puis on a donné aussi le verdict au sujet de l'adultère. Et donc, on a expliqué que la lapidation, c'est la punition pour celui qui a commis l'adultère. Maintenant, cette punition de la lapidation, c'est appliqué sur les hommes et sur les femmes. C'est pas appliqué uniquement sur les femmes comme certains koufars prétendent. Hein, il y a des koufars, ils disent, ah, vous lapidez les femmes. On lapide pas les femmes seulement, on lapide les hommes aussi. Mais il y a des conditions. Et on a expliqué au dernier cours certaines de ces conditions-là. Il faut qu'il y ait 4 témoins. Hein, il faut que ce soit quelque chose d'explicite. Il faut pas que ce soit quelque chose qui est comme par exemple tu dis, ah, j'ai vu un homme avec une femme et ils étaient nus dans une pièce, on a ouvert la porte et ils étaient là ensemble. Ça, c'est pas une preuve. Il faut que on voit l'acte explicitement qui s'est produit et il faut qu'il y ait 4 personnes qui l'ont vu en même temps. Donc si c'est 2 ou 3, ça compte pas. Il faut que ce soit 4 personnes. Hein? Et si 3 personnes disent par exemple, ou disent on a vu quelqu'un qui a fait l'adultère, ben c'est, s'ils n'ont pas un autre témoin pour compléter le nombre de 4, c'est eux qui seront punis. Et non les gens qui étaient en train de le faire. D'accord. Donc ça c'est des exemples comment les règles de l'islam sont sévères là-dessus et que c'est pas quelque chose qui va s'appliquer aussi simplement que ça. Et il y a certains parmi les gens qui disaient par exemple ou qui parlaient du fait que si une femme par exemple elle est pas mariée puis qu'on l'a trouvée enceinte, donc certains disaient bon ça veut dire que ça c'est la preuve qu'elle a commis l'adultère. Ou sinon qu'elle a fait la fornication. Et Cheikh Al-Fawzan il expliquait que si ça arrive ce genre de choses, on va pas appliquer la punition sur elle à cause de la possibilité qu'elle ait été violée. Donc si par exemple la fille elle est mariée mais que son mari est absent, ou bien que supposons que par exemple elle n'est pas mariée puis qu'elle est enceinte, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle a commis l'adultère. Peut-être qu'elle a aussi été violée et donc dans ce cas-là on ne peut pas la lapider si elle a été, bien entendu, si elle a été violée. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh il explique ici, il dit wal maqsoudu anna iqamat al hudud ala du'afa. شيخ الفوزان يلكسبليك يلزي والمقصود أن إقامة الحدود على الضعفاء وترك الشرفاء فيه تشبه بأهل الكتاب الذين نهانا الله عن التشبه بهم. يلزي que d'établir les punitions, d'établir les peines sur les faibles et de laisser les nobles sans les punir lorsqu'ils commettent le crime, ça c'est quelque chose qui dans lequel il y a une ressemblance ou une imitation des gens du livre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'imiter. Et il dit ensuite wa ma yaf'aluhu ba'd al-muluk wal-hukam min 'adam iqamati al-hudud 'ala dhawi al-jah wal-sultan wal-mal mutadarri'ina bi anna hadha min as-siyasati wa min al-maslaha fayuqalu lahum المصلحه والسياسه الصحيحه في تنفيذ الحدود على الجميع حتى يرتدع الناس ولو ان الحدود نفذت كما امر الله لخلى المجتمع من هذه الجرائم ولسلم الشرفاء والضعفاء ولسلم الرؤساء والمرؤوسون ومن دونهم. الشيخ explique que certains parmi les rois parfois ou bien parmi les dirigeants ils s'abstiennent par exemple d'établir la peine sur les gens qui ont un statut ou qui ont une autorité ou qui ont de l'argent, hein, les gens qui sont riches, et ils utilisent comme excuse que cela fait partie de la politique et du bienfait commun de ne pas appliquer les peines sur ces gens-là. Et le cheikh Al-Fawzan il dit au contraire, le bienfait et la politique saine et authentique c'est plutôt d'appliquer les peines sur tout le monde, sans distinction, pour que justement ce soit ça a un effet dissuasif sur la population en général, parce que le fait que par exemple il dit que si ces peines étaient établies et appliquées et exécutées comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans les pays musulmans, eh bien on n'aurait pas vu se produire ce genre de crime aussi yani répandu dans la société. Et les nobles et les faibles et les riches et les pauvres et les responsables et les dirigeants et la population en général auraient été épargnés de ce genre de péché et de situation. Et il dit ولأن عدم المساواة في العقوبة يؤدي إلى انتشار الظلم والبغضاء والتآلي وبالتالي الاعتداء وسفك الدماء والتراخي في تنفيذ الحدود هو السبب في انتشار الجرائم في المجتمع واختلال الأمن. Donc le cheikh il dit que le fait de ne pas être équitable et de ne pas appliquer les peines sur tout le monde de façon égale, peu importe qu'on soit riche ou pauvre, c'est quelque chose qui établit ou propage de l'injustice et de la haine dans la société, parce que les riches yani, ils vont mépriser, ils vont dénigrer les pauvres, et les pauvres eux vont se sentir lésés, et en même temps ils vont détester encore plus les riches, parce qu'ils vont dire ces gens là ils se permettent de faire des crimes et ils sont pas punis pour les crimes qu'ils commettent, tandis que nous on est punis chaque fois qu'on fait quelque chose, et donc c'est comme si on était on n'avait pas la même valeur ou qu'on n'était pas égaux. Donc ça crée de l'injustice et de la haine, et par la suite des transgressions et même parfois des meurtres qui vont se produire par la suite à cause de ça. Et il dit que si on laisse si on laisse aller les choses dans l'exécution des peines, eh bien c'est quelque chose qui va être par la suite une des causes dans la propagation des crimes de la société. Et une des conséquences de ça aussi, c'est que la sécurité dans la société va être de plus en plus, disons, faible. Il y aura de moins en moins de sécurité dans la société, il y aura de plus en plus de crimes. Il dit « فَإِذَا كَانَ وُلَاتَ الْأُمُورِ يُرِيدُونَ ضَبْطَ الْأَمْنِ فَلْيُنَفِّذُ الْحُدُودَ عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالشَّرِيفِ والوضيع وأن لا يتباطأ في تنفيذها بل تنفذ في الحال إذا توفرت شروطها حتى يرتدع الناس وهذا هو الواجب على ولاة الأمور وفقهم الله وسدد خطاهم. Donc le cheikh il dit donc si les dirigeants ils veulent arriver à garder la sécurité à un haut niveau, puis que les choses soient bien stables et bien établies dans la société, eh bien ils doivent établir dans ce cas-là les punitions et les peines sur les grands comme sur les petits, sur les nobles comme sur les gens modestes, hein? Et ils ne doivent pas non plus tarder dans l'application ou dans l'exécution de ces peines lorsque les crimes se produisent et que les conditions sont réunies. Eh bien ces punitions-là devraient être exécutées sur le champ pour que les gens prennent cela comme des raisons de s'abstenir justement de commettre ces crimes, et qu'ils aient peur justement de ces conséquences-là. Et il dit que c'est l'obligation pour les dirigeants de faire cela, et que Allah leur donne le succès dans l'application de ces règles, et qu'ils rendent leur pas droit dans cette voie. Et aussi une chose que j'aurais voulu mentionner aussi par rapport à ça, c'est que certains par exemple ils s'imaginent que ces choses-là c'est seulement dans les pays musulmans que ça se produit. Dans le sens qu'ils disent, ah, le fait qu'on applique les peines juste sur les pauvres, puis qu'on n'applique pas sur les riches, ça c'est seulement dans les pays musulmans. Et que dans les pays non musulmans, il y a la justice. Et il faut bien comprendre que ça c'est pas vrai. Dans le sens que, si tu regardes par exemple dans les pays non musulmans, c'est vrai qu'il y a un système de justice, soi-disant, un système judiciaire plutôt, mais par contre, celui qui a plus d'argent, il peut se payer des avocats qui sont plus compétents, puis qui sont capables de défendre les droits et les intérêts des gens avec plus de force et plus d'efficacité. Tandis que si la personne elle est pauvre, hein, elle ne va pas trouver un avocat qui est aussi compétent. Et parfois, ils vont donner par exemple un avocat qui est établi par le système, c'est-à-dire c'est un avocat qui est payé par le système pour défendre une personne. Mais c'est souvent pas les meilleurs, hein, c'est pas les meilleurs avocats qui sont comme ça. De plus, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il y a des avocats qui sont vraiment spécialisés dans toutes sortes de choses, et même qu'ils vont même défendre des criminels même. Il y a des gens qui sont des criminels et qui ont beaucoup d'argent, qui sont des gens qui vivent dans le crime ou dans toutes sortes de choses illégales. Puis ils ont des avocats qu'ils paient pour défendre leurs droits. Même des fois quand ils sont coupables, eh bien ces avocats-là sont capables de se faufiler à travers les lois pour trouver des raisons ou des moyens pour faire en sorte que ces gens-là ne soient pas punis. Donc il y a toutes sortes de magouilles, hein, qui se passent dans ce système, et donc c'est pour cette raison qu'on voit bien que les citoyens, même si les gens ici prétendent tout le monde est égaux devant la loi, mais la réalité c'est pas le cas, puisque les riches et les pauvres ne sont pas représentés et défendus de manière égale dans ce système. Et après le cheikh il dit ensuite, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات. فقال لو أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء سرقت قد أعاذها الله من ذلك لقطع وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها. ليبين صلى الله عليه وسلم أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن بنت غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل لأمرين. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu expliquer que qu'est-ce qui a fait périr les fils d'Israël, c'était uniquement parce que ils avaient comme excusé les riches et les haut placés, les responsables, lorsqu'ils faisaient des crimes, ils étaient excusés, ils n'étaient pas punis, et que c'est ça qui les a fait périr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu justement clarifier que ça c'est contraire à l'islam en donnant l'exemple avec Fatima, sa propre fille, qui est la plus noble des femmes, qui avait volé, que si elle aurait volé, eh bien, il y en est bien que Allah la préserve de ça, eh bien il aurait quand même coupé sa main, pour expliquer qu'il est obligatoire dans l'islam d'être égal et d'établir donc les règles de la charia et les peines de l'islam de manière juste, hein. C'est obligatoire d'être juste et d'établir les peines de façon générale sur tout le monde sans faire d'exception entre les riches et les pauvres. Et même la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas été disons, exemptés hein, de ce genre de punition-là. Et encore, donc, si c'est le cas pour sa propre fille, donc encore plus pour la fille de quelqu'un d'autre. Et il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné deux exemples par rapport à ça. Il dit, أولاً لكي يزيل الحرج من نفوس بني مخزوم حيث أنفوا وهم من قريش من أن تقطع يعني تقطع ابنتهم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن ابنته لو سرقت لقطع يدها زال هذا الحرج لا سيما وهي أشرف النساء على الإطلاق ثانيا ليبين صلى الله عليه وسلم أنه لا مراعاة في إقامة الحدود للشرف والسلطان بل الحدود تقام على الكبير والصغير وعلى الشريف والوضيع ولا يحاب فيها أحد على الآخر وقد جاء النهي الشديد عن التساهل في إقامة الحدود بعد بلوغها السلطان حتى أن أسامة ندم على تشفعه ندما شديدا وتمنى أن لا يكون فعل ولما رأى من تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من أحب الناس إليه. Donc le cheikh explique que le prophète صلى الله عليه وسلم donc il a donné deux exemples. Et la première exemple, ou le premier cas, c'est pour enlever de l'esprit ou du cœur de Bani Makhzoum, yani ce qui aurait pu ressentir comme gêne ou comme embarras du fait que une de leurs filles allait être punie et on allait lui couper la main. Et donc, étant donné qu'ils font partie de Quraysh, ils n'aimaient pas voir une de leurs filles se faire couper la main. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le véridique et qui est celui que on sait qu'il dit la vérité, lorsqu'il a dit que sa propre fille, si elle avait volé, on lui aurait coupé la main, eh bien ça lorsqu'il a dit ça, ça a enlevé cet embarras ou cette gêne qu'ils auraient pu ressentir, en particulier du fait que c'est la plus noble de toutes les femmes sans exception. Et le deuxième point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique que le fait de ne pas appliquer les peines sur les nobles et sur les puissants et les gens qui ont du pouvoir, on ne doit pas faire de distinction entre les riches et les pauvres là-dedans. Et qu'il dit qu'il faut, appliquer les peines sur toutes les personnes, qu'elles soient grandes ou petites, nobles ou modestes. Et qu'on ne fait pas de compromis et qu'on n'essaie pas de plaire à personne dans ces choses-là. Et on ne fait pas de distinction à une personne par rapport à une autre dans ce genre de choses. Et l'interdiction est venue dans un hadith authentique au sujet de ça, du fait qu'une fois que la personne coupable a été ramenée à l'autorité, on n'a plus le droit d'intercéder en sa faveur pour l'établissement de la peine. Donc ça, c'est un point important aussi, c'est que une fois que la personne a été ramenée aux autorités, là on ne peut plus demander de clémence ou faire preuve de demander une intercession dans ce genre de choses pour faire tomber la peine ou l'application de la peine. Mais avant qu'on ait amené la personne aux autorités, oui, c'est possible. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a amené devant le juge, là c'est trop tard. Mais avant ça, oui. Et donc, il dit que c'est pour cette raison-là que Oussama, il a ressenti des remords d'avoir... intercéder auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam après que cette femme ait été amenée à l'autorité, et il a même souhaité qu'il ne l'avait pas fait quand il a vu la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre lui, malgré que Usama était une des personnes les plus aimées hein, du prophète, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère contre lui à cause de ça. Le cheikh explique, il dit « Wal maqsoud » أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منع التوسط في إقامة الحدود بعد ثبوتها ولهذا قال جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة من دون الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فالله جل وعلا هو الحكيم الرحيم بعباده حكيم لأنه شرع لهم هذه الحدود المانعة من الوقوع في المعصية ورحيم لأنه لو لم تقم هذه الحدود لهلكوا ووقعوا في الجرائم واختل الأمن وتغير النظام وبالتالي يستحفل الشر ولا يمكن القضاء عليه فإقامة الحدود ضامنة لاستقرار المجتمع وأمنه ولذلك ترى المسلمين يستبشرون إذا أقيم الحد وإنما ذلك لأن هذا الفعل من العدل والعدل يفرح به ولأن في إقامة الحد قطعا لدابر المجرمين وإشاعة للأمن واستقامة الحياة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحد واحد يقام في الأرض الحد واحد نعم يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on intercède dans l'application des peines après qu'elles aient été confirmées et que il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 2 dans sourate An-Nur wala ta'khudhukum ra'fatan yani fi dinillah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. Donc dans le verset 2 dans sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Hein? Donc c'est pour dire que il faut pas hésiter dans l'application des peines et ressentir de la pitié à ce moment-là. Et à la fin du verset il dit et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Donc c'est pour dire que il faut qu'un groupe de croyants assiste à cette punition-là. Et le cheikh il dit et Allah il est certes sage, miséricordieux envers ses serviteurs et il est sage. Et c'est pour cette raison-là qu'il a légiféré pour eux des peines qui sont, qui vont être la cause de la, qui vont empêcher ou dissuader les gens de tomber dans la désobéissance par la suite. Et il est miséricordieux, puisque, il dit que si on n'aurait pas établi les peines sur les hommes quand ils commettent des crimes, eh bien, ils auraient péri et le crime se serait propagé et la sécurité aurait été détruite, ou il n'y aurait plus de sécurité et le système aurait été changé et par conséquent donc il y aurait beaucoup de mal qui se propagerait dans la société et on ne serait plus capable de l'arrêter par la suite. Et donc en établissant les peines il y a une garantie de stabilité dans la société et de sécurité également. Et c'est pour ça que tu vois que lorsqu'il y a l'établissement d'une peine, les musulmans se réjouissent. Et la raison pour cela, c'est parce que on va établir la justice. Et c'est quelque chose, bien entendu, la justice dont on doit se réjouir. Et c'est pour ça que dans le fait d'établir les peines, eh bien il y a quelque chose qui yani, ferme les portes pour les criminels et qui les empêche donc de proliférer, et en même temps il y a la propagation de la sécurité et d'une vie droite et ordonnée. Et donc c'est pour cette raison que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bon, il dit ici un hadith, mais il n'a pas mentionné une référence pour ce hadith. Il dit l'établissement d'une peine sur la terre, c'est mieux pour elle qu'il y ait de la pluie pendant 40 jours ou 40 matins. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné ici. Et ce hadith, bon, je ne sais pas qui est-ce qui l'a rapporté. Donc c'est ça. Dans les narrations de ce hadith, il y a des gens qui sont mentionnés qui sont faibles. Donc le verdict du hadith n'est pas mentionné clairement, mais sinon, Cheikh Ben Baz, il cite que dans les chaînes de transmission de ce hadith, il y a des narrateurs qui sont faibles et qui sont matrouk. Donc Allahu a'lam. Naam. Donc on revient maintenant aux paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, et il dit: وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي نعم محمم مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني بكتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا إلى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه يعني يقول أؤتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها نعم. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il cite ici yani un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais non, plutôt c'est rapporté par Muslim en particulier, et il est rapporté sur Abdullah ibn Murra عن البراء بن عازب selon البراء بن عازب. Il dit que yani un juif est passé à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait été noirci, son visage avait été noirci et il avait été fouetté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et lui a dit: est-ce que c'est ça la punition que vous trouvez dans votre livre pour la personne qui commet l'adultère? Il a dit oui. Alors Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé un des hommes parmi leurs savants. Il a dit, je te demande par Allah, celui qui a fait descendre la Torah sur Moïse, est-ce que c'est ça que vous trouvez dans votre livre comme punition pour l'adultère? Il a dit non. Et si tu ne m'avais pas demandé en jurant par Allah, hein, sur celui qui a descendu la Torah sur Moussa, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, j'ai failli perdre l'espoir de te voir aujourd'hui. Naam. Barakallahu fik. Donc il a dit, si tu ne m'avais pas juré par Allah, hein, eh bien je ne t'aurais pas informé, hein, parce que il dit dans notre livre c'est la lapidation qui se trouve, mais il y avait beaucoup d'entre nos nobles qui faisaient l'adultère, et quand on attrapait les nobles on les laissait aller, et quand on attrapait les faibles on établissait sur eux la peine. Alors on s'est mis d'accord, on s'est réunis, puis on s'est mis d'accord pour quelque chose qu'on allait établir sur les deux, sur les nobles et sur les faibles. Et on s'est mis d'accord finalement sur le fait de noircir le visage, puis de donner des coups de fouet au lieu de la lapidation. Et alors il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Oh Allah, je suis le premier qui a fait revivre ton ordre après qu'ils l'ont fait mourir. » Et il a donc ordonné que cet homme soit lapidé. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a fait descendre le verset 41 dans Surat Al-Ma'ida. Hein, dans Surat Al-Ma'ida. Puis le verset 41 qui dit Naam. C'est ça. Le verset 41 qui dit ce qui signifie ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance. Hein, ils font la course dans la mécréance. Parmi ceux qui ont dit, nous avons cru avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru. Parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent, si vous avez reçu ceci, alors prenez-le. Hein? Si vous avez reçu ceci, acceptez-le. Qu'est-ce qu'il veut dire par ceci? Le cheikh, il explique, il dit, c'est-à-dire, ils disent, les juifs, allez voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et s'il vous ordonne, hein, de noircir le visage et de donner des coups de fouet, prenez-le. Mais s'il vous donne la réponse que vous devez lapider, alors, dans ce cas-là, méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il a fait descendre par la suite les versets dans les autres sourates qui suivent, le verset 44 et 45 et 46. Non, 47. Les versets qui disent, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les mécréants. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les injustes. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les pervers. Donc ça c'est tout il dit, Ibn Taymiyyah dit, tous ces versets sont à propos des kuffars, hein, à propos des kuffars parmi les juifs. Et le cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ces versets là ou bien plutôt qu'est-ce qu'on a lu dans le hadith. Il dit, هذا الحديث بيان وتتميم لما مضى من التحذير من مشابهة أهل الكتاب في التفريق في إقامة الحدود بين الشرفاء والضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود يستفتونه في إقامة الحد على ذلك الذي زنى يريدون أن يجعلوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلموهم منه وقالوا إن جلده سلمنا من تبعتي من تبعتي من تبعت من تبعت تغيير التوراة وكانوا قد جلدوه وحمموه دون أن يرجموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أن يناقشه أن يناقشهم في هذا الأمر حتى يقيم الحجة عليهم من كتابهم. فقال: أتجدون هذا في التوراة؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فنشده بالله: هل هذا من هو الذي في التوراة؟ قال: لا، إنه الرجم. ثم شرح القصة وقال: يعني لكن كثر الزنا في أشرفنا، فإذا أقمنا عليهم الحد يحصل في هذا ما يحصل، فنحن نقيمه على الضعيف الذي لا يترتب على إقامته عليه شيء من جهة الناس، أما الشريف فنحن ندرأ عنه الرجم ونكتفي بالجلد والتحميم. فعند ذلك انكشف أمرهم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه، فأمر به فرجم. وقد نعم. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh explique que ça c'est la ça vient compléter qu'est-ce qui a été expliqué plus tôt au sujet de l'avertissement de ne pas ressembler aux gens du livre dans le fait de distinguer dans l'application des peines entre les nobles et les gens des gens ordinaires. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les juifs sont venus pour lui demander la question au sujet de l'établissement des peines par rapport à celui qui a commis l'adultère, il voulait essayer de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge là-dedans pour eux être épargnés de ce jugement-là. Alors ils ont dit: si lui il juge, eh bien on va être excusé d'avoir suivi dans le changement de la Torah. Alors ils ont dit: si parce que eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Au lieu de le lapider, ils l'ont fouetté et ils lui ont noirci le visage sans le lapider. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé de débattre avec eux sur ce sujet-là et d'argumenter avec eux sur ce sujet-là, de leur poser des questions jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils puissent établir contre eux la preuve à partir de leur livre à eux. Et donc il leur a dit: est-ce que dans votre livre c'est ça qui est écrit par rapport à la personne qui fait l'adultère, que vous devez la fouetter et lui noircir le visage? Et ils ont dit oui. Alors il a appelé un d'entre eux qui était un savant, un rabbin, et il lui a dit: je te demande par Allah, je te demande en jurant par Allah, est-ce que c'est ça le verdict dans la Torah pour celui qui fait l'adultère? Le juif il a dit: non, c'est pas ça, c'est la lapidation dans la Torah. Alors le juif il a expliqué l'histoire. Il a dit: parce que chez nous il y avait les nobles qui faisaient le zina, puis quand c'était quelqu'un de noble, eh bien on l'appliquait pas la peine sur lui, mais sur le faible on appliquait la peine parce que ça avait pas de conséquences sur les gens. Tandis que le noble, quand on appliquait sur lui la peine, eh bien, c'était compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé les nobles, puis on laissait aller les nobles, puis on appliquait sur les pauvres. Sauf que à la fin, ils ont dit: on va se mettre d'accord pour appliquer quelque chose général à tout le monde. Donc, on va pas lapider personne, on va juste noircir le visage, puis donner des coups de fouet comme ça, puis après c'est fini. Noircir avec quelque chose, peut-être du goudron ou du charbon, je sais pas quoi, Allahu a'lam. Et là après ils ont dit: on va juste faire ça, on va pas lapider. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé ou démasqué leur situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, je suis le premier qui fait revivre ton commandement après qu'ils l'ont fait mourir. Et donc, il a ordonné qu'il soit lapidé. Puis après, il a mentionné les versets, comme on a lu tout à l'heure, le verset 41, « Ô messager, ne sois pas attristé par ceux qui se précipitent dans la mécréance, parmi ceux qui ont dit, nous croyons avec leur bouche, mais leur cœur n'ont pas cru. » Et parmi les juifs qui écoutent le mensonge, hein, qui sont des gens qui écoutent le mensonge et qui écoutent à des gens qui ne sont, d'autres gens qui ne sont jamais venus te voir. Et il déforme la parole de son contexte. Et il dit, et parmi ceux qui ont déformé, les exemples de ce qu'ils ont déformé de la révélation, c'est la lapidation. Ils ont déformé le verdict de la lapidation. Puisque il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il déforme la parole de son contexte. Et ils disent, si il vous ramène cela, prenez-le. C'est-à-dire, si il vous donne le verdict de noircir le visage, de lapider, et de fouetter, prenez-le. Mais s'il vous demande de lapider, alors prenez garde, méfiez-vous. Hein? C'est-à-dire, ne lui obéissez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués dans le Coran avec ces versets, hein, qui mentionnent donc, qui clarifient clairement que c'était ça le verdict pour eux dans la Torah, mais ils ne voulaient pas l'appliquer. Et donc tout ça, c'est dans le but d'avertir. Le cheikh explique, il dit, يعني والمقصود من هذا كله التحذير من تحذير هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الخبيث وهو التساهل في حدود الله وذلك بإقامتها على الضعفاء وترك الأشراف والأغنياء وذوي المقامات. Donc c'est ça que le cheikh a dit, comme pour expliquer, après avoir mentionné les versets, il dit, Allah les a démasqués, et c'est ça que on a voulu, en fait, par rapport à tout ça, d'expliquer qu'il faut être averti. Hein, que cette umma doit être avertie de ne pas suivre la même voie que cette voie que les juifs ont suivi, et de ne pas prendre les peines d'Allah à la légère, et que et de suivre leur exemple, parce que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils établissaient juste les peines sur les faibles, et les gens qui étaient nobles ou riches ou qui étaient haut placés, eh bien ils les laissaient. Ça, c'est pas correct. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite un autre hadith. Il dit, أيضا وروى مسلم ورواه مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يموت قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. Donc, ça c'est un hadith qui est également rapporté par Muslim. Selon Jundub ibn Abdullah al-Bajali, radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, cinq jours avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je me désavoue à Allah d'avoir de parmi vous un ami intime, parce que Allah m'a pris comme un ami intime, comme il a pris Ibrahim comme un ami intime. Et si je devais prendre de ma umma un ami intime ou un ami proche, eh bien j'aurais pris Abu Bakr, parce qu'un Khalil c'est quelqu'un avec qui tu as un lien d'amitié et d'amour particulier que tu partages avec personne d'autre, hein. Et donc lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le Khalil d'Allah seulement. Il peut pas donc être Khalil avec quelqu'un d'autre parmi les êtres humains. Et donc, c'est pour dire que la même chose que Ibrahim alayhi salam, qui était le Khalil d'Allah lui aussi. Et il dit, ceux qui étaient là, il dit, si je devais prendre un Khalil parmi les hommes dans ma Ummah, eh bien ça aurait été Abu Bakr. Et donc ça c'est pour montrer en même temps aussi le statut particulier de Abu Bakr, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait Abu Bakr plus que les autres, et en même temps pour dire que c'est lui qui va être indiqué, que c'est lui qui devrait être son successeur après sa mort de façon indirecte. Et aussi il dit, et que ceux qui étaient là avant vous parmi les juifs et les chrétiens, ils prenaient les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux d'adoration. Alors ne prenez pas les tombeaux comme des lieux d'adoration, car je vous interdis cela. Et il explique le cheikh Al-Fawzan qu'est-ce que signifie ce hadith. Il dit وهذا وجه آخر من وجوه التحذير من مشابهة أهل الكتاب. Il dit ça c'est un autre point de vue dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit également la ressemblance avec les gens du livre. Donc on a vu jusqu'à maintenant plusieurs exemples de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il nous interdit de ressembler et d'imiter les gens du livre, et ça c'est un autre exemple supplémentaire. Il dit wa huwa al-ghuluu bil quburi wal amwat wa dhalika bit-tabarruk biha wa talab al-hawa'ij min al-maut wa iqamat al-bina' 'ala al-qubur wal kitabati 'ala judraniha aw fi'l ayyi shay'in biha يدعو لتعظيمها والتعلق بها. Donc on va traduire ça. Le cheikh il dit c'est parce que c'est parmi les choses qu'on a été interdit de faire par rapport à qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith, c'est d'exagérer à propos des tombeaux et des morts, et par exemple de chercher la bénédiction des tombes et de leur demander des biens, des choses, des besoins qu'on a, de demander ça aux morts, ou bien d'établir la construction de tombeaux sur les tombes et dans les cimetières, ou d'écrire sur les murs des choses, hein, comme les gens ont l'habitude de le faire, comme c'était fait dans la Jahiliya, ou faire quoi que ce soit avec les tombes qui inviterait les gens à vouloir les exalter, ou à vouloir les vénérer, ou s'accrocher, hein, accrocher notre cœur assez à ces choses-là. Donc le cheikh il dit فَإِنَّ هَذَا مِنْ دِينِ الْقُبُورِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ. Dit parce que cela fait partie de la religion des adorateurs des tombeaux parmi les gens du livre et d'autres. فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ تَحَوُّلَاتِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَمِنْ جُمْلَةِ تَخْرِيفَاتِهِمْ وَتَغْيِيرَاتِهِمْ وتبديلاتهم أنهم غالوا في أنبيائهم وصالحيهم حتى عبدوهم من دون الله. Donc il dit que parmi les exemples et toutes les exemples de déformation et de changement qu'ils ont fait dans la religion des prophètes, et des falsifications et des déformations qu'ils ont fait dans leur religion, la religion que leurs prophètes leur ont amené, c'est qu'ils ont exagéré au sujet de leurs prophètes et des hommes pieux, et ils ont exagéré au point de les adorer en dehors d'Allah. Donc c'est ça le danger. Et il dit وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَمْوَاتِ إنما هم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى يتوسطون لهم لقضاء حوائجهم وهم بذلك يكررون مقالة من سبقهم من قوم نوح. Donc le cheikh il dit que ceux qui vénèrent les hommes pieux et exagèrent à propos des tombes, eh bien, c'est des gens qui prétendent qu'en faisant ça, ils se rapprochent à Allah. Ils prétendent qu'en faisant ça, ils se rapprochent d'Allah. Et ils prétendent que ces morts-là sont uniquement des intermédiaires et des intercesseurs pour eux auprès d'Allah. Et donc, ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah pour répondre à leurs besoins. Et il dit qu'en faisant ça, eh bien, ils ne font que répéter la même parole que ceux qui les ont précédés du peuple de Noé, hein, à l'époque du peuple de Noé, quand ils ont pris les hommes pieux comme intercesseurs et comme intermédiaires entre eux et Allah, eh bien, ils ont pris cet exemple de shirk chez le peuple de Nuh, qui était justement les premiers à avoir fait le shirk. Il dit, فَإِنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ غَلَى فِي الصَّالِحِينَ, parce que c'était les premiers qui ont exagéré à propos des hommes pieux. Il dit, وَعَمَدُوا إِلَى صُوَرِ صَالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَنَسَبُوهَا. Après la mort de ces hommes pieux-là, ils ont fait leur statues et ils les ont établies à l'endroit où ils se réunissaient après leur mort, et ils les ont installées à cet endroit-là. Il dit « ثم لما مرت بهم السنون عبدوها من دون الله عز وجل ». Il dit qu'après les années, quand les années ont passé, les gens ont oublié pourquoi même ils avaient fait ces statues. À la base, ils ont dit « c'est pour nous rappeler d'eux ». Hein, pour nous encourager à être bons comme eux. Mais après un certain temps, ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, ils ressemblaient, ces statues ressemblaient à ces hommes pieux. Wad, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasr. Et c'est les cinq hommes qui étaient mentionnés dans le verset, dans la sourate de Nuh. Et il dit, wa innama hasala dhalika bi tazyin ash-shaytan li ha'ula al-makhdu'in bismi ta'zim as-salihin wa mahabbatihim wal-qurb minhum kama yaz'umun. Il dit que cette action dans laquelle ils sont tombés, eh bien, c'est à cause du shaitan qui leur a embelli ces actions-là et qui leur a fait croire que, yani, ils faisaient ça uniquement pour montrer du respect aux hommes pieux et par amour pour les hommes pieux. Et donc, ils prétendaient qu'ils faisaient ça donc pour se rapprocher d'eux, comme ils prétendent. Et il dit, وَلَقَدْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ بِهَذَا الثَّوْبِ ثَوْبُ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ حَتَّى وَقَعُوا فِي الْمَحْذُورِ. Donc c'est toujours comme ça. Le shaitan, quand il veut t'égarer, il ne va pas venir te dire les choses telles qu'elles sont. Il va essayer d'embellir l'affaire pour te faire croire qu'il veut du bien. Et donc le shaitan leur a embelli les choses et il leur a fait croire que il leur a enveloppé l'affaire ou habillé l'affaire comme si c'était pour montrer l'amour envers les hommes pieux qu'ils avaient fait ça. Et jusqu'à ce qu'ils les fassent tomber dans l'interdiction. فَتَعَلَّقَتْ قُلُوبُهُمْ بِهِمْ فَاتَّخَذُوهُمْ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et leur cœur a commencé à s'attacher à ces hommes pieux-là et ils les ont pris comme des divinités en dehors d'Allah. سبحانه وتعالى. يقول ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلو بالأموات والغلو بالقبور لأن ذلك يفضي إلى الشرك كما أفضى بمن كان قبلنا من الأمم وأقربهم زمنا إلينا اليهود والنصارى. Donc le cheikh il dit, c'est pour cette raison que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'exagérer à propos des hommes pieux et d'exagérer à propos des tombes. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous amène à tomber dans le shirk. Et c'est ce qui a amené les gens qui nous ont précédés, justement parmi les différentes nations, à tomber dans le shirk. Et ceux qui sont les plus proches de nous dans le temps, ce sont les nations des juifs et des chrétiens. Ce sont les peuples des juifs et des chrétiens, et ce sont eux justement qui ont été les derniers, disons dans le temps, à tomber dans ce genre de péché-là et de shirk avant la Umma de l'islam. Le cheikh il dit, لأجل ذلك حذر صلى الله عليه وسلم أمته قبل وفاته ناصحا ومشفقا عليهم غاية التحذير من الغلو في القبور والصالحين وبين خطورة ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة وإنما أكد ذلك في لحظات حياته الأخيرة لعلمه بخطورة هذا الأمر لا سيما أنه محبط للعمل. Donc le cheikh il dit que à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa umma avant sa mort, en voulant donner leur conseil, et par crainte pour les musulmans, donc il les a avertis, d'un avertissement clair, qu'il fallait éviter l'exagération envers les tombes et les hommes pieux, et il leur a expliqué le danger de ça. Il leur a expliqué le danger de ça, comme c'est mentionné dans plusieurs hadiths. Et il a confirmé cela dans les derniers moments de sa vie. Il a confirmé cela dans les derniers moments de sa vie, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est très dangereux, en particulier que c'est quelque chose qui vient même annuler les œuvres de la personne. Le shirk, c'est dangereux. Et il dit, wa laqad rawa هذا الحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل خمس سنين وقيل خمس ليال يعني يحذر فيه من مشابهة من مشابهة فعل اليهود والنصارى يعني في قبور أنبيائهم ومع هذا وجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. نعم. Le cheikh il dit que c'est rapporté donc dans le hadith selon Jundub ibn Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole avant, certains ont dit avant 5 ans, d'autres ont dit avant 5 nuits avant sa mort. Donc, en fait, comme dans le hadith, quand tu lis le hadith, le texte, c'est écrit قبل أن يموت بخمس. Mais c'est pas écrit. Est-ce que c'est des nuits ou des jours ou des années ou des semaines ou des mois? Hein? Oui, c'est ça. Oui, si c'est 5 ans, c'est long. Oui. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Parce qu'il dit dans le hadith, c'est écrit. Il nous a dit. Avant sa, 5 avant sa mort. Mais c'est pas écrit 5, si c'est 5 jours, ou 5 mois, ou 5 semaines, ou 5 années, tu vois. Mais il dit, le cher, certains ont dit 5 ans, d'autres ont dit 5 nuits. Le plus évident, wallahu alam, c'est que c'est 5 nuits. Parce que c'est plus proche, justement, de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il voulait nous avertir. Et il dit, donc il voulait nous avertir de ne pas imiter les actions des juifs et des chrétiens qui justement ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, et il dit que malgré ça on a trouvé dans cette umma, dans la umma de l'islam, certaines personnes qui imitent les juifs et les chrétiens. Et le cheikh il dit wa hadha min aqbahi anwa'i at-tashabbuh لأن هذا شرك بالله عز وجل أو وسيلة إلى الشرك. Il dit que ça c'est une des sortes ou des formes les plus laides d'imitation des kuffars, parce que c'est du shirk avec Allah, ou bien c'est un moyen d'aller vers le shirk. Et il dit, c'est pour ça que il dit فلذلك حذر منه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة حيث كان يقاسي من سكرات الموت ويضع يده في الماء وينضح به وجهه ومع ذلك لم يشغله حاله عن مناصحة أمته فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Donc le cheikh dit que c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti la umma de ce genre de crime et de ce genre d'action alors qu'il était dans cet état, l'agonie de la mort, quelques jours avant sa mort, et il mettait sa main dans l'eau froide et il s'aspergeait le visage avec de l'eau parce qu'il était en train de souffrir, et malgré ça, et il n'a pas été distrait, malgré cet état dans lequel il était, de donner le bon conseil à la Ummah. Et il disait que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux d'adoration. Et il a dit, certes, ne prenez pas les tombeaux comme des lieux d'adoration, car je vous interdis cela. Et le cheikh explique que le terme masajid dans le hadith, il dit wa ma'na masajid annahum yusalluna 'indaha. C'est-à-dire, quand on dit masajid dans le hadith ici, il ne faut pas comprendre que les juifs et les chrétiens, ils faisaient des mosquées sur le tombe de leurs prophètes. Qu'est-ce qu'on veut dire par masajid ici? Masajid, c'est le pluriel de masjid. Masjid qui veut dire, comme on traduit en français, mosquée. Mais il faut comprendre que mosquée dans le sens plus large, masajid dans le sens de lieu où on prie, endroit où on fait des adorations. C'est dans ce sens-là. Donc ici, annahum yusalluna 'indaha, dans le sens que c'est là qu'ils vont pour faire des prières. Ils vont là où il y a des tombes, et où il y a des hommes pieux enterrés, et c'est là qu'ils vont pour faire des prières. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils prennent leur lieu de, ils font des tombes, un lieu de culte, un lieu d'adoration, un lieu de prière. Il dit, fal masjid huwa al-makan alladhi yusalla fihi, mabniyan kana aw ghayr mabni. Donc il dit, la mosquée, en arabe, il dit le masjid, c'est le lieu dans lequel on va pour faire la salat. Que ce soit un lieu qui est construit ou un lieu qui, même si c'est pas construit, c'est quand même un lieu de prière si on va pour prier à cet endroit-là. Donc il dit, كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أي يُصَلَّى فِيهَا. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir ibn Abdullah. Il a dit que on a fait pour moi de la terre une mosquée et en voulant dire la terre est pour moi une mosquée ou un lieu d'adoration et tahura en voulant dire que je peux me purifier avec la terre aussi. Et ça c'est une des particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la terre entière est une mosquée pour lui et que c'est également un objet de purification dans le sens qu'il peut se purifier avec la terre. Et il dit ensuite yusalla fiha, c'est-à-dire on peut prier partout sur la terre sans exception. Et le cheikh il dit ensuite fahiya masjidun bima'na annaha salihatun lis-sujud was-salati fiha illa fi hadhihi al-mawatin التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأشدها عند القبور. Excepté dans les lieux dans lesquels on n'a pas le droit de prier, parmi les lieux que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit de prendre comme lieu de prière, et parmi ces endroits-là, le plus grave d'entre ces endroits qui nous a été interdit d'établir la salat là-bas, c'est les cimetières, les endroits où il y a des tombes. Et il a dit لأن ذلك وسيلة إلى تعظيم القبور والتعلق بالأموات ودعائهم من دون الله عز وجل واتخاذهم شفعاء أو أولياء يقربون إلى الله بزعمهم وهذا ما أنكره الله على المشركين الأولين قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Donc il dit le cheikh que pourquoi c'est interdit pour nous de prier dans les cimetières ou dans les lieux de où il y a des tombes, eh bien c'est parce que c'est un moyen qui va amener les gens à vénérer les tombes et à s'accrocher aux morts, et à les invoquer en dehors d'Allah et à prendre ces hommes pieux et ces gens comme des intermédiaires ou des intercesseurs ou des saints qui pourraient les rapprocher à Allah selon ce qu'ils prétendent. Et il dit que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala avait reproché et condamné les premiers d'entre les mushrikins qui étaient tombés dans ce genre de choses. Lorsqu'il mentionne dans le verset 18, dans Surat Yunus alayhi salam, lorsqu'il dit et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et il dit ensuite, et dans le verset 3 dans Surat Az-Zumar, ce qui signifie, et ceux qui prennent des alliés ou des intermédiaires en dehors d'Allah, des awliya, ils disent, yani on les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Hein? Ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah, hein, parmi ceux qu'ils considèrent être des alliés, hein, des hommes pieux, des gens rapprochés d'Allah, et ils disent, ceux-là sont nos, yani, ça c'est pour nous rapprocher plus d'Allah. Parce qu'ils pensent que les hommes pieux sont plus près d'Allah que eux. Et que, étant donné qu'ils sont plus proches d'Allah, ils vont leur transmettre leurs prières à Allah, hein, parce que ils pensent que eux ils sont pas assez propres pour, disons, s'adresser directement à Allah. Donc ils passent par d'autres pour aller à Allah. Et ça c'est, hein, comme on a dit, c'est du shirk. Le shaykh dit, fal maqsoud anna al-hamil lahum ala ibadati ha'ula al-amwat za'muhum annahum yuqarribunahum min Allah. Hein? Donc qu'est-ce qui les a amenés à adorer ces êtres qui sont morts en dehors d'Allah? Eh bien c'est leur idée qu'ils se sont fait que ces êtres étaient capables de les rapprocher d'Allah. وَيَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ, et qu'ils pouvaient intercéder auprès d'eux, hein, auprès d'Allah pour eux. فَاللَّهُ أَبْطَلَ هَذَا وَنَهَا عَنْهُ وَبَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ عن فعل ذلك ومقاتلة أهله حتى يتركوه. Donc le cheikh il dit que, yani, c'est pour ça que Allah il a interdit cela, il a complètement rendu vain et faux, et il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour interdire aux gens de faire ce genre de choses et combattre les gens qui le font jusqu'à ce qu'ils cessent de le faire. Et il dit wa hadha مما عظمت به المصيبة في هذه الأمة فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام وقعوا فيما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من الغلو في الصالحين والأنبياء حتى إنهم صاروا يصرفون لهم أنواعا من العبادة من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وغير ذلك مما نشاهده ونسمعه عند كثير من الأضرحة ولا سيما الأضرحة المعروفة في مختلف البلاد وهذا شيء مستفيض متواتر عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit, et donc ça c'est quelque chose qui malheureusement c'est un malheur qui s'est propagé partout dans la Ummah, le fait de prendre les tombes comme des lieux de prière et les lieux d'adoration, hein, d'adorer les tombes et les morts. Il dit que beaucoup de gens qui se disent musulmans et qui prétendent appartenir à l'islam, ils sont tombés dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait pour sa umma, c'est-à-dire l'exagération à propos des hommes pieux et des prophètes, et jusqu'à ce qu'ils même se mettent à leur offrir des formes d'adoration, hein, et de sacrifier, de faire des vœux pour eux, de sacrifier des animaux pour eux, et de les appeler en des moments de détresse et de secours, et de leur offrir des invocations, et d'autres également. Parmi les choses dont on peut témoigner maintenant dans les pays musulmans, de qu'est-ce qu'on entend de la part de certains auprès des tombeaux, et en particulier les tombeaux qui sont bien connus dans les différents pays musulmans. Et il dit ça c'est quelque chose qui est répandu et que tout le monde peut témoigner, c'est-à-dire c'est des choses qu'on a entendues mentionnées par plein de gens qui ont été témoins de ça dans différents pays musulmans, et malheureusement c'est des choses qui sont devenues normales pour beaucoup de monde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc le cheikh il dit bal in aqwaman min al jahala ya'tuna bil mawashi wa yadhbahunaha lil adriha wa yaqumuna 'indaha ayyaman kathira بأعداد قد تضاهي عدد الحجاج إلى بيت الله الحرام ومنهم من يقيم عند هذه القبور الموائد من الطعام وأنواع من الحلوى، وبعضهم يقيم طقوسا متنوعة عافانا الله من ذلك، وكفى بذلك زاجرا لنا أن نتجنب هذا، لأننا منهيون عن التشبه باليهود والنصارى. Donc le cheikh il dit ensuite qu'il y a des gens parmi les ignorants qui ramènent même des bétails pour les sacrifier et les égorger auprès des tombeaux. Et ils restent là-bas pendant des jours debout, hein, ou bien ils font toutes sortes de différentes pratiques ou différents rituels, hein, puis il y en a même qui font des célébrations, des festivals, comment on appelle ça, des foires, hein, des pèlerinages, des mawasim, hein, auprès de ces tombeaux-là, et Allahu al-Musta'an, il y a plein d'activités qui sont réunies autour de cette chose-là. Et le cheikh il explique que même que leur nom parfois vient même compétitionner ou ressembler même au nombre des gens qui viennent faire le hajj à la maison d'Allah à la Mecque. Et donc parmi ces gens-là, tu vois que ils vont même mettre de la nourriture et des tables de nourriture et des sucreries autour des tombeaux, et certains même vont faire toutes sortes de rituels divers. Yani, qu'Allah nous en épargne. Et donc ça c'est suffisant pour nous réprimander et de nous écarter de ce genre de pratique, parce que ce sont des choses qui nous ont été interdites, puisqu'on a été interdit de ressembler et d'imiter les juifs et les chrétiens. Le cheikh il dit ثم إنه صرح فقال ألا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد صرح بالنهي ثم إنه أكد ذلك بقوله فإني أنهاكم عن ذلك فهذه ثلاثة أمور كلها تؤكد تحريم التشبه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير المخل بالعقيدة، وهي أولا أنه ذكر أن هذا من قبل اليهود والنصارى ونحن قد نهينا عن التشبه بهم فيما هو أقل من ذلك، فكيف بهذا الأمر الخطير؟ ثانيا صرح بالنهي فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وثالثا قال إني أنهاكم عن ذلك، بل أن إنه لعن من فعل هذا الفعل في حديث آخر فقال لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن من فعل هذا الفعل ملعون، مع أنه يزعم أنه يطلب الأجر والثواب والقرب من الله، وملعون أي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، وما استحق اللعن إلا لعظم الجرم، فكيف لا وهو إما أن يكون شركا أو وسيلة إليه. Donc le cheikh explique que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné explicitement en disant que ne le faites pas. Il a dit ne faites pas cela, hein, ne prenez pas les tombeaux comme des lieux de culte, et il a dit explicitement que c'était interdit. Puis il a confirmé cela en disant car je vous interdis de le faire. Et donc ça c'est trois choses qui sont venues confirmer l'interdiction de ressembler aux juifs et aux chrétiens dans cette chose qui est très dangereuse et qui vient créer des déficiences dans la croyance. Et donc il mentionne les trois choses en question. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que cette chose-là c'est quelque chose qui a été fait par les juifs et les chrétiens, et nous avons été interdits de les imiter et de leur ressembler. Hein? Dans qu'est-ce qui est plus petit? Alors que dire de les imiter dans cette chose qui est très grave et qui est très grande? Hein? Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'imiter les juifs et les chrétiens dans des choses qui sont petites, alors des choses comme ça qui sont dans les bases de la religion, ça c'est encore plus grave. Et il dit deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé et mentionné explicitement l'interdiction. Et il a dit, ne prenez pas les tombeaux comme des lieux de culte. Et troisièmement, il a dit, car je vous interdis de faire cela. Et même qu'il a maudit celui qui le faisait dans un autre hadith lorsqu'il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de culte. Et il dit que ça, c'est la preuve que celui qui le fait, il est lui aussi maudit, même s'il se dit musulman, même s'il n'est pas juif ni chrétien. Hein? Et il dit que ça, c'est yani pour expliquer que cette personne, elle est maudite, hein, parce qu'elle a fait ça, et donc, même si elle prétend rechercher la récompense et de se rapprocher d'Allah, elle est maudite. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de quelqu'un qu'il est maudit, ou bien en arabe, mal'oum? Eh bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est chassé de la miséricorde d'Allah. Chassé de la miséricorde d'Allah. Et donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que cette personne mérite la malédiction, eh bien, c'est uniquement à cause de la gravité du crime que la personne a commis. Alors, yani, comment ce ne serait pas le cas, puisque on sait tous que le shirk, yani, soit que la personne en question elle a commis le shirk, ou bien elle a commis quelque chose qui va être un moyen de tomber dans le shirk. Et donc, ça, c'est la preuve que c'est quelque chose de très grave. Il dit wa qawluhu لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أمته وإنه لأنه خليل الله جل وعلا وكان إبراهيم خليل الله والخليل لا يشارك في الخلة. Donc les cheikhs expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans le hadith que s'il devait prendre un khalil, c'est-à-dire un bon ami proche, hein, parmi les êtres humains, il aurait pris Abu Bakr parmi les habitants de la terre. Mais il n'a pas de khalil parmi cette ummah, car il est le khalil d'Allah. Car il est le khalil d'Allah, il est l'ami d'Allah. Et Ibrahim aussi était un khalil d'Allah. Et Al-Khulla, eh bien, elle ne se partage pas avec quelqu'un d'autre. Donc, tu peux uniquement être le khalil de quelqu'un, d'une seule personne. Et puisqu'il est le khalil d'Allah, il ne peut pas être le khalil de personne d'autre. Mais quand il dit, si je devais choisir quelqu'un, j'aurais choisi Abu Bakr, ça c'est la preuve qu'il a une particularité. Il dit, وَأَمَّا الْمَحَبَّةِ فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ أبا بكر وهو أحب الناس إليه ويحب أصحابه والمؤمنون فالمحبة أن تحب الله جل وعلا وتحب رسوله والمؤمنون أما الخلة فإنها لا تقبل الاشتراك ولذلك لما رزق الخليل عليه الصلاة والسلام بالولد على الكبر أخذ ذلك جانبا من المحبة في قلبه ابتلاه الله فأمره بذبحه من أجل أن يخلص الخلة لله فأقدم على تنفيذ أمر الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل امتثالا لأمره فلما حصل المطلوب نسخ الله الأمر بذبحه وفداه بذبح عظيم مما يدل على أن الخلة لا تقبل الاشتراك لأجل ذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا وإنما أنه مع أنه أحب الناس إليه ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لربه فهذا معنى قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وهذا فيه بيان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث خصه صلى الله عليه وسلم بهذا الحب مما يدل على أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. Donc on va finir le cours d'aujourd'hui avec ce point, hein, qui est le, yani le point dans lequel le cheikh explique que l'amour c'est possible, hein, de le partager entre plusieurs personnes. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime Abu Bakr et c'est la personne qu'il aimait le plus, hein, parmi les gens. Et il aimait aussi ses compagnons et il aimait les croyants en général. Donc l'amour, hein, c'est que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, puis que tu aimes son messager et les croyants. Mais al-khulla, c'est une forme particulière d'amour qui ne peut pas accepter, hein, la division ou yani, qu'on le partage avec quelqu'un d'autre. Et donc, lorsque al-Khalil, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a eu un enfant, alors qu'il était vieux, hein, eh bien ça a pris une partie de son amour dans son cœur. Et Allah l'a éprouvé à cause de ça, pour tester son amour qu'il avait pour Allah, hein, pour le tester. Alors il lui a ordonné de sacrifier son fils, hein, pour voir s'il était pur dans son amour avec Allah. Et donc il a exécuté l'ordre d'Allah et il s'est préparé à sacrifier son fils Ismaïl en mettant l'ordre en application. Et qu'est-ce qui est arrivé, hein? Eh bien, on sait qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'ordre a été abrogé du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé Ismaïl par un autre sacrifice, le mouton, et ça c'est ce qui indique que al-khulla, elle n'accepte pas qu'elle soit partagée avec quelqu'un d'autre qu'une seule personne. Et donc, il dit ensuite. Et c'est pour ça que également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris Abu Bakr comme Khalil, mais malgré que c'était la personne qu'il aimait le plus, il dit pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit exclusivement le Khalil de son Seigneur. Et il dit que ça c'est la signification du hadith lorsqu'il dit je me désaveu auprès d'Allah d'avoir pris parmi vous un Khalil, hein, et si je devais prendre parmi les hommes de les habitants de la terre un Khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil, mais votre compagnon, en parlant de lui-même, est le Khalil d'Allah. Et donc ça c'est le hadith en question. Puis il dit ça c'est la preuve également que Abu Bakr a un mérite particulier du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné de façon exclusive, hein, par rapport à cet amour, et il dit que ça c'est la preuve qu'il était parmi les hommes celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Donc ça c'est ce qui vient conclure le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah au prochain cours on continuera avec la suite de l'explication des choses qui ont rapport avec justement cet élément de yani, l'imitation des juifs et des chrétiens, c'est-à-dire le fait de prendre les tombeaux comme lieu d'adoration. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.